Chapitre 7e. Le document fatal. Le lendemain matin, Robert et Raoul entreprenaient les démarches pour l'éclaircissement de ce qu'ils appelaient le mystère qui entourait la mort de leur père. Tout d'abord, ils se présentèrent, selon le plan de conduite arrêté, chez Maître Béjanet, le notaire de leur père, rue Notre-Dame-des-Victoires. L'officier ministériel reçut de la façon la plus affable les fils de son plus ancien et meilleur ami. Il connaissait Robert et Raoul depuis leur plus tendre enfance, les avait vus grandir, il les tutoyait, les aimait beaucoup. Cordialement, il leur serra la main, leur parla avec effusion du cher défunt, fit l'éloge de son ami regretté. « C'est parce que vous êtes l'ami intime de notre malheureux père que nous venons vous trouver, » dit Raoul. « C'est en vertu de cette affection que vous nous témoignez que nous sommes dans votre cabinet. Mes chers enfants, je suis tout à votre disposition. » Mon concours vous est assuré, disposez de moi. Nous venons vous demander de nous donner communication de l'acte qu'avec l'assistance de Maître Grillard vous avez signifié à notre père. Le notaire fit un bond dans son fauteuil. Certes, Maître Béjanet ne s'attendait pas à pareil désir. Qu'est-ce que tu me demandes là, Raoul ? S'écria-t-il. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne te comprends pas. Froidement, Raoul répondit. Je m'explique donc. Veuillez m'écouter. Notre père était victime d'une tentative d'assassinat. Il avait échappé au coup de poignard, il paraissait en voie de rétablissement, de guérison, il avait recouvré ses esprits, toute son intelligence était revenue, et sa mémoire se manifestait aussi précise, aussi fidèle que jamais. Parfaitement. Dans ces conditions, notre père a déclaré formellement au magistrat, et il a signé son affirmation que son assassin était le comte de la Guérinière. Oui, j'ai appris cela, mais permettez-moi de continuer. Les magistrats envoyèrent le détective Paulin Broquet, muni d'un mandat d'arrêt, chercher le comte de la Guérinière pour le confronter immédiatement avec sa victime. « je sais, attendez. » Dans l'intervalle, entre la déclaration de notre père et la venue du comte de la Guérinière, vous avez demandé, ainsi que Maître Grillard, à parler à votre ami, à lui parler en secret, pour lui faire à lui seul une communication aussi importante qu'urgente. Le notaire répliqua. « Mais, mon enfant, qu'y a-t-il là d'étonnant ? C'est tout naturel. Nous sommes, Maître Grillard et moi, non seulement les plus vieux amis de ton père, mais c'est chargé d'affaires. Nous avions, comme avoué et comme huissier, très souvent des pièces confidentielles à lui communiquer. D'accord. Mais celles que vous avez communiquées à notre père, d'urgence, avant l'avenue du comte de la Guérinière, offraient une telle gravité, étaient d'un caractère si spécial, qu'après vous avoir écouté quelques minutes, notre père, que nous avions quitté en état de santé satisfaisant et nous souriant, nous apparut abattu, accablé, versant des larmes. Mais je t'assure, Raoul, encore un mot, je vous prie. Après votre communication, notre père, qui quelques instants auparavant accusait formellement, en toute conscience, en parfaite connaissance de cause, le comte de la Guérinière, revint sur ses déclarations. Il rétracta ses affirmations et, au grand étonnement de tout le monde, excepté de vous. « De moi, oui, je dis bien, excepté de vous et de Maître Grillard, qui vous accompagnait. » Notre père déclara que le comte de la Guérinière ne pouvait être son assassin. Le notaire, anxieux, voulut répondre. « Mais, mes chers enfants, à cela, il y a plusieurs raisons, plusieurs explications. » Raoul l'interrompit. « Nous les avons toutes envisagées. Il n'y a qu'un moyen de nous tirer d'alarme, de nous convaincre, c'est de nous donner à nous, les fils, communication de la pièce que vous avez soumise à notre père. Impossible. Impossible ! » cria Maître Béjanet. « Ne me demandez pas cela, ce n'est pas possible. Nous serons alors forcés de nous adresser aux tribunaux. Aucun tribunal ne pourra me contraindre à me dessaisir de ce document. J'ai rempli ma mission auprès de qui il fallait. Maintenant, je me retranche derrière le secret professionnel. Je ne livrerai rien. » Raoul s'écria. « Bien. C'est ce que nous voulions vous faire dire. Vous venez de confirmer nos soupçons. C'est bien cette pièce qui a causé la mort de notre père. Vous refusez de nous la communiquer ? Libre à vous. Nous verrons ce qu'il nous reste à faire pour en avoir connaissance. Mais, mes chers enfants, dit Maître Béjanet, prenant son ton bonhomme pour convaincre les deux frères, que vous imaginez-vous donc ? Quelle chimère allez-vous vous forger ? Vous savez quelle affection je vous porte et quelle amitié me liait à votre père. Pouvez-vous admettre que je me serais chargé, moi, d'une mission non avouable, que j'aurais, dans des circonstances aussi dramatiques, transmis une pièce ayant le caractère anormal, bizarre, mystérieux, tragique que vous attribuez à ce document ? Alors donnez-nous communication de l'acte. Je ne puis, je ne dois pas le faire. Votre décision est irrévocable. Agir autrement serait manquer à mon devoir d'homme de loi, à ma conscience d'honnête homme. Devant ces affirmations catégoriques, les deux frères demeurèrent un instant atterrés. Dans le cabinet du notaire, il y eut un silence lourd et pénible. Les trois hommes se regardaient avec anxiété. Robert et Raoul, fiévreux, maître Béjanet, maintenant maître de lui, froid, inflexible. Ce silence douloureux fut troublé par l'entrée d'un clerc qui remit au notaire une carte. Maître Béjanet, en lisant cette carte, ne put retenir un mouvement de surprise, d'inquiétude, et il tressaillit. « C'est bien, » dit-il au clerc, « faites attendre. » Soigneusement, il glissa la carte sous un dossier. Puis, quittant son large bureau, il vint aux deux frères et leur tendit les mains. « Au revoir, mes enfants. Je vous demande pardon d'abréger votre visite. Au revoir. Croyez que vous n'avez pas de meilleur ami que moi, pas d'allié plus sincère. Il n'est personne qui, plus que moi, garde le souci de votre bonheur et du respect de la mémoire de votre malheureux père. » Il les reconduisit vers une porte donnant sur l'escalier par où l'on sortait de son cabinet sans passer par l'étude. Et il revint dans son cabinet pour recevoir le nouveau visiteur dont la carte lui avait causé une si forte émotion. Les deux frères descendirent l'escalier. « Raoul, dit brusquement Robert, as-tu remarqué l'effarement de maître Béjanet ? Et comme il nous a brusquement congédiés. C'était à croire qu'il redoutait un hasard qui nous mettrait en présence de ce visiteur inattendu. Oui, ça ne doit pas être un client habituel de l'étude, mais plutôt quelqu'un à qui nous avons affaire, nous. » En même temps, les deux frères complétèrent leurs pensées. « Lui, c'est lui. » Ils ajoutèrent. « Il faut voir si vraiment c'est lui. C'est très important. Il faut absolument savoir qui c'est. » Le seul moyen possible, sans éveiller les soupçons de personne, consistait à se tenir aux aguets, à se mettre à l'affût dans les environs. De l'autre côté de la rue, presque en face de la porte de la maison où se trouvait l'étude, ils avisèrent un petit café modeste, mais convenable, un de ces petits établissements d'habitués qui sont des coins de province éparpillés dans la capitale. Raoul et Robert y pénétrèrent et prirent place à une table touchant aux vitres donnant sur la rue. Un simple brise-bise qu'ils relevèrent leur permettait de surveiller la porte de la maison du notaire. En dehors des heures des habitués, ces cafés sont déserts. Dans celui-ci se trouvait vers le fond un seul client qui, pour avoir de la lumière sur le journal qu'il lisait, tournait le dos à la porte. Ce client ne se dérangea pas, ne tourna même pas la tête à l'entrée des deux frères. Il se contenta de lever les yeux et de regarder par-dessus son journal dans une glace inclinée qui se trouvait en haut du comptoir, dominant la caissière et dans laquelle tout le café se reflétait. Environ un quart d'heure s'écoula. Le client qui lisait paya sa consommation, posa son journal et se mit à rouler une cigarette très tranquillement. À ce moment, les deux frères tressaillirent. Sur le pas de la porte du notaire venait d'apparaître le comte de la Guérinière. Le comte, sur le trottoir, regarda d'un côté, de l'autre, puis après ces quelques secondes d'hésitation, il se mit à remonter la rue d'un pas alerte, décidé. Alors le client qui avait allumé sa cigarette se décida également à s'en aller. Il sortit tout tranquillement du café et lui aussi remonta la rue, mais sur le trottoir il pressa un peu le pas. Cependant, bien qu'il passât vite devant le brise-bise près duquel se tenaient les deux frères, Raoul et Robert purent l'apercevoir, le reconnaître. « Paulin Broquet, » firent-ils.